sont les groupes avant l'équipe. Et quand ça rafale, Allopol, ils sont m'attirés dessus. Si tu savais qui en était, avant de parler, tu te pisserais dessus. On paye pas de mine, blouson en cuir, vroom vroom vroom, mon rouleau arrêt, le téléphone plein. Allô, oui, je connais des mecs plus armés que l'armée. Toujours avec moi la cala, je l'appelle Ouija. J'ai du mal à trouver le sommeil, je fume un pétard et je prie l'Ija. Je pense au conseil de la veille, je crie sur ma feuille des larmes de la vieille. Y'a des corps qui s'envolent vers le ciel, je vois des cervelles, c'est pas une ardelle. On est six dans ma tête mon ami, à l'heure où je chante c'est pas moi qui rate. Pour m'écouter faut des couilles, tu les appelles dans mon bateau pirate. On encaisse tu sais, paye de vodka, je la bois tu sais. Ne fais pas de poussette, je ne fais pas de fils, ne fais pas de sucette. Je suis chargé gros, je suis master, je commence 10 mois, je chasse qui. Donne le go go, je cross-ski, je suis un abat. Je suis un cochon de ski. On parle peu, c'est des armes qui cossent. Des get back pour les balles sont grosses. Avec ouais, on est plus des gosses. Tu voulais savoir c'est qui gosse. La même chanson. Je n'ai peur que de Dieu, du péage de l'encens. Ne me demande pas dans quoi je passe, ça va te faire fuir. Ne me demande pas combien j'ai, ça va te faire jouir. Toujours le même scénario, la même chanson. Je n'ai peur que de Dieu, du péage de l'encens. Ne me demande pas dans quoi je passe, ça va te faire fuir. Ne me demande pas combien j'ai, ça va se faire jouer. Je suis avec Stéphane, je suis avec Nico. La concu, je la baisse, je les vois tout petits, je suis dans l'hélico. RG m'a dit, nous fait le gros. Trop de temps fait pas, équipe de war, ils attendent que ça, qu'on leur donne le go, go, go. L'amour de l'oseille me suffit, dis toi d'arrêter de me sucer. Je porte le fusil, je pars en enfer, mais avant je m'entraîne aux UV. Nah, le cap, je m'en la frappe à Benacha. Vers de Jack, mais j'ai moins d'ennemis que de mix de Bella Ciao. J'attends encore que la juge m'acquitte. Braquage armé à l'automatique. Cherche-moi la merde, je viens de te chercher. Mais avant de faire, faut que j'en dorme la vie. La propre demande pourquoi tant de violence. Elle veut que je m'explique. Mais moi j'avais honte de lui dire qu'à la maison j'ai jamais vu de Nesquik. Et maintenant je vois tu fais un sémine. En bourgeoisie je finis même pas le verre. C'est vrai que je t'aimais mon frère. Je voulais pas te niquer, j'ai fini par le faire. Ouais, qui a les couilles gros. Qui veut nous mettre à l'amende. 200 000 euros c'est pas mal. Fais faux, je trinque à la note. La même chanson. Je n'ai peur que de Dieu, du péage de l'encens. Ne me demande pas dans quoi je tape, ça va te faire fuir. Ne me demande pas combien j'ai, ça va te faire jouer. Toujours le même scénar, la même chanson. Je n'ai peur que de Dieu, du péage de l'encens. Ne me demande pas dans quoi je tape, ça va te faire fuir. Ne me demande pas combien j'ai, ça va te faire jouer. Pour les coups de mille facettes, maman croit que je gosse tout seul. Le barbale même en été, mon amour prépare la veille. Je rigole même quand j'ai mal, regarde-moi gros quand je parle. Le mardi je mets le réveil, la police est matinale. Wallah, je leur faire du mal.